quatrième et dernier temps de notre série d'émissions consacrée à l'histoire des enfers. Aujourd'hui, le documentaire. Après avoir, lundi, discuté avec l'historien Jean-Claude Schmitt de ce qu'était l'enfer au Moyen-Âge, tel qu'il était vu par les contemporains du Moyen-Âge, puis mardi, nous être intéressés à la question de l'exorcisme, et puis hier, avoir abordé la question de l'enfer ou des enfers dans les représentations de l'au-delà dans le monde pré-chrétien, que ce soit en Mésopotamie, en Égypte antique ou encore en Grèce antique, et bien aujourd'hui, nous allons pénétrer dans l'enfer tel qu'il a été vu et raconté par Dante dans un documentaire d'Anaïs Quien et de Marie-Laure Ciboulet, avec les témoignages et les analyses d'Alessandro Menucci, de Elisabeth Cruz et Pavant, de Daniel Robert et de Jean-Charles Végliante. C'est jusqu'à 10h dans la Fabrique de l'Histoire ce matin. Chant 1. La forêt obscure. Étant à mi-chemin de notre vie, je me trouvais dans une forêt obscure, la route droite ayant été gauchie. Au milieu du chemin de notre vie, je me retrouvais par une forêt obscure. Nel mezzo del cammin di nostra vita. Ah, combien en parler et chose dure. Je ne sais pas bien redire comment j'y entrais. De cette forêt rude et âpre et drue qui à nouveau un effroi me procure. Nel mezzo del cammin di nostra vita mi ritrovai per una selva oscura che la diritta via. Si aigre que la mort l'est à peine plus. Mais pour traiter du bien que j'y trouvais, je parlerai des choses que j'ai vues. Dans l'enfer de Dante, un documentaire d'Anaïs Quien, réalisé par Marie-Laure Ciboulet. Il y a une première étape qui est la sortie de la forêt obscure, dont parle Dante tout de suite. Évidemment, c'est une forêt métaphorique, sortie d'un état mental de noirceur, de prostration, et le désir de sortir de là. Ensuite, il y a une rencontre, d'abord une triple rencontre assez effrayante de trois bêtes qui terrorisent le poète dans son souhait de gravir une montagne qu'il voit au loin et qui est d'ailleurs assez à proximité de la forêt. Et immédiatement après cet effroi, il rencontre une figure qui deviendra son guide, une figure emblématique qui est le poète Virgile. Et à partir de là, commence un long voyage qui les conduise tous les deux jusqu'au centre de la Terre où se trouve Lucifer. En 1307, Dante Alighieri entreprend la Divine Comédie et commence par l'enfer. Poète versé brièvement en politique, il est exilé de sa Florence natale pour s'être retrouvé du mauvais côté dans les luttes de factions qui déchirent la ville italienne. En quelques mois, Dante invente un enfer littéraire et spirituel, les décors, les personnages plus ou moins familiers que l'on pourrait y rencontrer, sans oublier les créatures effroyables qui peuplent cet univers. Dante évolue parmi les héros et les monstres de la mythologie antique, aux côtés de quelques-uns de ses maîtres à penser et de certains de ses contemporains qu'il affecte au cercle de l'enfer requis. Initiation poétique et spirituelle, la comédie de Dante est également un voyage vers Béatrice, son amour perdu. Largement diffusée, l'œuvre popularise dès le XIVe siècle un imaginaire de l'enfer et un journal politique de son temps. Il y avait des voyages dans l'au-delà déjà, hein, à l'époque, ça existait déjà comme genre littéraire. Jean-Charles Véliante. Mais souvent c'était une sorte de panopticon ou de théâtre observé de l'extérieur. Alors on disait j'ai vu telle et telle chose, c'est merveilleux ou c'est horrible. Ou bon. Et il n'y a pas d'interaction. L'invention de Dante, c'est que d'une part il ne peut pas faire ça tout seul, il le dit dès le début, c'est impossible, et donc il invoque à l'aide quelqu'un, et c'est Virgile qui va venir, mais parce qu'il a été envoyé par Béatrice, elle-même sollicitée par Sainte-Lucie, enfin bon, il y a toute une intermédiation féminine d'ailleurs, c'est intéressant de le noter, qui aboutit à faire sortir Virgile des limbes, où il se trouve, en tant que non-baptisé, le malheureux, pour qu'il vienne aider Dante. Et Virgile va l'aider parce qu'il voit que Dante pleure. Virgile, quand même, c'est un personnage pour lequel Dante a une vénération filiale, on peut dire, parce que Dante avait l'Énéide dans sa bibliothèque, bien entendu. Hein. Et pas seulement l'Énéide, d'ailleurs, les autres aussi. Donc il y a ça d'une part, et d'autre part, ils se mettent en chemin donc tous les deux, et ensuite il va demander à Virgile de l'aider à chaque fois à entrer en contact avec les âmes des morts qu'il va côtoyer. Le Virgile médiéval n'est pas tout à fait le Virgile antique, ancien, ni le Virgile moderne, tel que nous aujourd'hui on peut le concevoir. Alessandro Benucci. Le Virgile médiéval était un savant, presque magicien, parfois même nécromancien. Il y a des histoires folles sur la nécromancie des Virgiles au Moyen-Âge. Et une sorte de savant qui avait un pouvoir magique, parce que il avait permis à Aîné dans l'Énéide de descendre aux enfers et de décrire les enfers de façon très spectaculaire. Il faut savoir que pour les chrétiens, l'enfer de Virgile est une source. Pour Dante aussi, l'enfer de Dante s'inspire énormément de l'enfer de Virgile. Et ensuite, il avait écrit les églogues, une sorte de poème pastoraux, et à l'intérieur de la quatrième églogue, Virgile avait raconté la prochaine venue d'un enfant, un puer en latin, qui aurait changé l'époque romaine et qui aurait introduit un retour à l'époque d'or, à l'aura aetas. Et bien sûr, les commentateurs médiévaux avaient vu la figure de Jésus-Christ, si bien que on pensa que Virgile était précurseur et qu'il avait des pouvoirs magiques. Donc, Dante le choisit aussi parce que derrière Virgile, personnage de la Divine Comédie, il y a le Virgile médiéval, savant, magicien, et qui a une capacité de sentir les choses. Chant 4, premier cercle, les noms baptisés dans les limbes. Ce lourd sommeil fut brisé par un bruit dans ma tête, si sourd que je sursautais, comme surpris par un réveil fortuit. Portant à l'entour mes yeux délassés, debout, je regardais avec grand soin pour reconnaître le lieu où j'étais. Et de fait, je me trouvais aux confins de la vallée d'abîmes désolés, qui abrite un tumulte de cris sans fin. Si obscure, profonde, embrumée, que j'avais beau la pénétrer à fond, mon regard n'y décernait nul objet. Par là, au monde aveugle, nous descendons, commença le poète, tout pâleur. Je serai le premier, toi le second. Après une première descente, on arrive devant une porte, Daniel Robert, qui est ouverte d'ailleurs. Et ils arrivent au seuil de l'enfer, dans un lieu où se trouvent certains anges qui sont punis parce qu'ils n'ont pas su choisir entre Lucifer et Dieu. Ils sont restés tièdes. Et Dante déteste les tièdes et les gens qui ne prennent pas position. Il y a également dans ce lieu-là les âmes qui sont dans le même cas, elles n'ont pas su choisir, elles ont été neutres. Donc là, elles expient ça. Puis, on a 6 cercles qui se suivent où l'on trouve d'abord les limbes. Alors, la notion de limbe est une notion chrétienne. L'Église catholique pensait que les nourrissons qui n'avaient pas eu le baptême ou les enfants très jeunes qui étaient morts de mort violente ne pouvaient pas avoir accès, n'étant pas baptisés au paradis et se trouvaient dans ce lieu un peu indéterminé. Dante ajoute dans ses limbes un limbe particulier dans lequel il met des personnages comme Virgile, qui sont de très hautes figures de l'Antiquité, qui elles aussi n'ont pas connu le baptême par la force des choses et donc n'ont pas accès au paradis. C'est pourquoi Virgile ne pourra pas conduire Dante jusqu'au bout. Il sera obligé de le laisser au purgatoire à un certain moment et c'est Béatrice qui prendra le relais. Et dans ce limbe-là se trouvent d'autres personnages, Homère, Ovide, tous les grands poètes, les grands sauveurs de l'humanité, les grands héros, et ils attendent une possibilité d'accéder au paradis un jour. Certains y sont arrivés, on le voit dans le déroulement de l'histoire, et d'autres attendent toujours. Et Virgile, lui, a été tiré de ce lieu pour pouvoir servir de guide à Dante, mais il sait qu'il va devoir y retourner. Pour l'entrée dans l'enfer proprement dit, il faut passer la Chéron, dans la barque d'un certain Charon, qui a des yeux de braise effrayants, etc. Or, Charon lui dit non, Dante, toi tu viens pas dans ma barque. Alors, comment passe-t-il en enfer? On ne sait trop, puisque il y a une espèce de raccourci, d'ellipse, et il se retrouve de l'autre côté, on ne sait pas trop comment c'est arrivé, mais en tout cas, il n'est pas monté dans la barque de Charon. Et Virgile lui dit, tu comprends bien ce que ça veut dire. Tu n'as pas le droit, comme les damnés, d'aller dans la barque de Charon. Et donc, c'est plutôt bon signe pour toi. Chant 5, deuxième cercle. Les luxurieux et la passion amoureuse. Paolo et Francesca. Du premier cercle, ainsi, je descendis dans le deuxième, de diamètre moins grand et de douleur si vive qu'il pousse au cri. Minos y siège et grogne horriblement. Examine les fautes dès l'entrée, juge et châtie par ses enroulements. J'affirme que lorsque l'âme mal née vient devant lui, elle ne cache rien. Et il voit, ce connaisseur des péchés, quel est le lieu de l'enfer qui convient. De sa queue, il s'entoure autant de fois qu'il veut lui faire descendre de gradin. Devant lui, toujours beaucoup se tiennent là et passent à tour de rôle en jugement, parlent et entendent, puis sont jetés bas. Il s'agit de personnes qui ont péché parce qu'elles n'ont pas su faire en sorte que leur raison domine leurs sentiments ou leurs instincts. Donc, il sait que lui-même pourrait se trouver en enfer pour ce même péché, puisque nous sommes tous dans ce cas. Et pour ces personnages, comme évidemment le couple Paolo et Francesca, c'est ça qui prime, c'est sa compassion. Alors, pourquoi sont-ils en enfer? Eux, c'est assez facile à comprendre. Ils ont péché par adultère. Francesca, qui était mariée à un seigneur qui s'appelait Gianciotto Malatesta, est tombée amoureuse du jeune frère de ce seigneur. Ils sont tombés amoureux l'un de l'autre et ils ont commis l'adultère. Le mari les a surpris et les a tués, les a assassinés, tous les deux. Donc lui va aller en enfer, dans la Caïne, c'est-à-dire la partie de l'enfer qui punit les crimes contre la famille, puisqu'il a assassiné sa femme et son frère. Et eux se trouvent en enfer, dans le cercle des luxurieux, non pas qu'ils aient été pécheurs par la luxure, puisque leur amour est présenté comme un amour extrêmement beau et pur, si l'on peut dire. Néanmoins, c'est un adultère. Pour la loi humaine et divine, ils ont failli. Là, Dante accepte donc de les mettre en enfer. Il ne peut pas aller contre la religion chrétienne qui dit que les adultères doivent être punis. Mais il montre sa grande compassion, puisque tout à fait à la fin du chant, lorsque Francesca a fini de raconter son histoire, il dit « Durant ce récit de l'un des esprits, l'autre pleurait. Si bien que de pitié, comme si je mourais, je défaillis. Et comme tombe un corps mort, je tombais. » Donc là, on ne peut pas nier qu'il soit de cœur avec ce jeune couple. Il partage cette conception de l'amour qu'on trouve chez Paolo et Francesca. Avec Béatrice, c'est autre chose, parce que dès le début, dès le moment où il commence à parler d'elle, il ne la présente pas comme une femme désirable. C'est une sorte d'apparition, puisqu'en fait, il ne l'a vue dans sa vie que deux fois, une fois à 9 ans, une fois à 18. Elle n'a fait que passer devant lui. Elle ne lui a même pas dit un mot. Donc, il n'y a pas de notion d'attirance charnelle. Il y a une sorte de fascination immédiate pour cette femme qui va devenir ensuite la préoccupation de toute sa vie. Mais jamais dans un but charnel. Et lorsque il rencontrera enfin Béatrice au purgatoire, elle va lui permettre d'accéder au paradis, mais toujours de façon assez lointaine. D'abord, elle sera très sévère avec lui lorsqu'elle le rencontre la première fois. Elle ne lui tombe pas dans les bras du tout. Et ensuite, elle a ce rôle de prendre le relais de Virgile et de le conduire moralement, mentalement, spirituellement, vers une autre idée de l'amour. Dante n'a jamais connu personnellement Francesca, qui est une amante, même dans les affres éternelles de sa damnation, et qui dit « Jamais je ne serai séparé de mon amour, Paolo ». Et Dante est tellement ému qu'il s'évanouit, entre autres parce que lui est séparé de son amour. Oui, parce que ces âmes damnées ont été condamnées, mais malgré tout, elles restent ensemble. Elles restent ensemble, oui. Elles restent ensemble pour souffrir, hein, bien entendu. La caractéristique de la damnation, c'est qu'on tourne en rond. On est vraiment coincé, bloqué dans ce qui a fait la perte. Paolo et Francesca sont emportés perpétuellement dans un orage terrifiant. Ils souffrent énormément, bien sûr. Cet orage, c'est un tourbillon qui ne s'arrête jamais. Et ils sont pris là-dedans, donc il n'y a pas d'histoire. Ou plus exactement, ils sont condamnés à répéter perpétuellement leur pauvre histoire. Dante n'est pas pris là-dedans, bien entendu, sinon il n'y aurait pas de livre. Puisque le livre est au contraire un voyage, une progression. Et donc Dante sait qu'il va tout faire, en tout cas, pour être sauvé. Il accomplit ce voyage pour nous aider, nous, à être sauvés. Alors, cette affaire de Francesca da Rimini, la mort tragique de Francesca da Rimini, semble avoir été connue dans l'Italie de la fin du Moyen-Âge, mais très largement. Elisabeth Crouzet-Pavant. Je m'en suis aperçue de manière récente en travaillant sur le destin tragique de trois princesses italiennes fin 14e, 15e siècle et trouvé tout à fait par hasard que quand la nouvelle de la mort d'une d'elles arrive à Florence, un bourgeois de Florence écrit dans son journal « Ah voilà, on vient d'apprendre la mort de Parisina d'Est qui a connu le même destin tragique que Francesca da Rimini ». C'est-à-dire que tout homme cultivé dans l'Italie des derniers siècles du Moyen-Âge connaissait, alors je ne dis pas l'entière œuvre de Dante, mais tout de même une série des grandes figures, des grandes personnages, des grandes histoires qui peuplent cette œuvre. Donc il y a quand même une diffusion massive, une diffusion très en profondeur qui est vraiment frappante, si vous voulez, parce que je ne vois aucune autre œuvre qui pénètre à ce point la société italienne, aussi rapidement en plus. Thank you. vient un moment assez surprenant peut-être, même si d'une certaine façon dans le rythme du texte on peut le comprendre. C'est un moment où Virgile et Dante décident eux-mêmes d'infliger une punition à un personnage qu'ils rencontrent. C'est Filippo Argenti peut-être, oui. Ah oui, alors c'est un ennemi personnel de Dante. On le suppose parce qu'on ne sait pas vraiment qui il était et on n'est pas tout à fait sûr qu'il ait existé. Mais il y a un personnage en tout cas qui a été son ennemi, à qui il donne ce nom. Là, Dante, contrairement à l'attitude qu'il a eue à l'égard de Paolo et Francesca, compassion et identification à leur douleur, là, il est d'une violence et d'une verdeur à son endroit tout à fait étonnante et il le rabroue. Et curieusement, Virgile, qui est un modèle de sagesse et de pondération, lui donne raison, l'embrasse en lui disant « Heureuse la femme qui t'a porté » et il dit à Filippo Argenti « Va-t'en avec les autres chiens !» Donc, il est par moments tout à fait d'accord avec Dante dans cette réaction humaine de colère. Chant 15, septième cercle, troisième anneau. Les violents envers la nature. Rencontre de Brunetto Latini. Nous étions déjà loin de la forêt, au point que je n'aurais pas pu la voir, quand bien même je me serais retourné. Lorsque nous vîmes des âmes se mouvoir le long de la digue, et chacune d'elles nous regardait, comme en passant le soir, on se regarde à la lune nouvelle. Et elles pointaient sur nous des yeux perçants, comme un vieux tailleur sur le chat ses prunelles. Ainsi dévisagé par tous ces gens, je fus reconnu de l'un d'eux qui saisit mon ourlet en criant « Quel étonnement !» Brunetto Latini était son maître d'éloquence, de savoir, pendant toute sa jeunesse. Et il lui avait donné le goût pour la politique et pour un savoir éthique, laïque, pour la création d'un État, d'une cité, on va dire, parce qu'on est encore à Florence, d'une cité moderne où les intellectuels, si on peut dire, participent activement à la vie politique. Eh bien, c'est Brunetto Latini, sera aussi en enfer. Et quelle souffrance de découvrir le maître spirituel parmi les sodomites. Donc, avec une tâche immonde. Et on s'interrogera du fait qu'un personnage tel que Brunetto participe de l'enfer. C'est l'un des passages les plus émouvants hein, de l'enfer, parce que Dante reconnaît difficilement, parce que le visage est abîmé, brûlé, déchiré, son maître. Jean-Charles Véliante. Son très cher maître qu'il a formé, enfin, dont il a lu, bien entendu, le chef-d'œuvre qui s'appelait L'Utresors, le trésor de la connaissance humaine, ça signifiait, hein, et dont il existe une version, mais complètement différente et abrégée, et dans un style totalement différent en toscan qui s'intitulait Il Tesoretto. Mais Brunet Latin n'écrivait pas en italien, en principe, enfin en toscan. Donc Dante reconnaît son maître et il dit « Mais si j'avais une once de pouvoir, je ferais que tu puisses sortir d'ici. » Mais ça n'est pas possible, bien entendu. On ne peut pas aller contre la volonté divine. Et les damnés sont damnés à jamais. Mais cette émotion est réelle. Et ce qui est tout aussi réel dans l'autre sens, c'est que Brunet Latin, avant de le quitter, parce qu'il ne peut pas rester très longtemps, sa peine comprend le fait qu'ils ne doivent pas trop s'arrêter, enfin qu'ils doivent courir sous une pluie de feu, etc., etc. Et avant de le quitter, il lui dit « Je t'en prie, fais que mon trésor, justement, ce chef-d'œuvre, reste vivant, ne soit pas oublié des humains. » C'est magnifique parce que il y a une gloire littéraire, entre guillemets. Vous pensez bien que Brunet Latin en enfer se fiche complètement de sa gloire littéraire, mais enfin, sur Terre, c'est quand même ça qui fait que l'on puisse éventuellement survivre. C'est ce qu'il dit, dans la mémoire des hommes en tout cas. Et pourquoi Brunetto Latini ou Brunet Latin est-il placé par Dante lui-même en enfer ? Cela reste assez énigmatique. Oui, alors ça, c'est un grand sujet de polémique, d'exégèse contradictoire, de bagarre entre spécialistes. C'est très, très complexe, si je peux donner mon avis. Mais je ne suis pas dantologue, absolument pas. Je suis poète et traducteur de Dante. Je crois qu'il est dans une troupe qui est exactement intermédiaire, en fait, entre deux autres troupes de damnés, qui se trouve effectivement sous la pluie de feu, mais qui est séparé de la troupe des sodomites. Donc il est dans une section, disons, de l'enfer, où on punit la violence faite ou à Dieu, il s'agit de blasphémateurs, ou aux hommes, il s'agit entre autres des sodomites, ou aux biens donnés par Dieu, il s'agit des usuriers. Tout ça sont des violents pour Dante et pour la, disons, l'éthique religieuse de l'époque. Mais Brunet Latin insiste bien qu'il n'est pas dans la troupe des sodomites et qu'il ne doit surtout pas être mélangé à eux. C'est pour ça qu'il doit se sauver à la fin du chant, parce que les autres arrivent. Et il dit « je ne dois absolument pas être confondu avec ceux-là ». Donc il est là pourquoi ? Eh bien, pour une forme de violence, certainement, sinon il ne serait pas à cet endroit-là. Et je suis assez convaincu par une partie de ces spécialistes, dont André Pézard, qui était le grand dantologue du Collège de France, qui pense que Brunet Latin est puni pour sa curiositas. Sa curiositas, c'est pas simplement de la curiosité banale, c'est vraiment une violence faite à l'interdiction que nous avons en tant qu'être humain mortel de tout connaître. C'est une interdiction, évidemment, de type, là encore, religieux. Hein. On l'accepte ou pas, ça c'est un tout autre débat. En tout cas, Brunet Latin, apparemment, voulait, entre guillemets, tout savoir de tout. Et ça, c'est une violence qui est faite à une sorte de colonne d'Hercule de la connaissance, si vous voulez, posée par la divinité. Chant 26. Huitième cercle, huitième bolge, les coupables de ruse, le dernier voyage d'Ulysse. Ainsi est traversé par chaque flamme le fond du trou, sans montrer nulle proie, car chaque pêcheur est caché dans la flamme. Pour voir du pont, je me tenais bien droit, et si je ne m'étais au roc cramponné, je serais tombé sans heurts tout en bas. Et mon guide, me voyant si intrigué, dit « À l'intérieur des feux sont les esprits, chacun par ceux qui le brûlent enveloppé. » Daniel Robert, il y a un autre personnage important que vont rencontrer Dante et Virgile, c'est Ulysse. Alors peut-être qu'aujourd'hui, ça nous surprend un petit peu de voir Ulysse apparaître dans cette histoire, mais racontez-nous un peu comment il arrive et son usage par Dante dans ce récit de l'enfer. Il faut d'abord se demander pourquoi il est en enfer. Alors, bien sûr, Ulysse, c'est l'incarnation de la ruse. C'est l'artificieux Ulysse. Il a commis à plusieurs reprises tout au long de son périple des fautes dues à sa grande intelligence et mise au service de la ruse. Et lorsque Dante le rencontre, il est avec son ami Diomède, qui a partagé avec lui un certain nombre d'actions répréhensibles. Et très curieusement, ce sont des flammes. Là, c'est un cercle où les damnés sont devenus des flammes. Et Diomède et Ulysse sont dans la même flamme. Ils sont tous les deux unis dans la même flamme, puisqu'ils ont commis ensemble les mêmes fautes. Donc, ils ne se sont pas séparés. De même que d'ailleurs, Francesca et Paolo ne sont pas séparés en enfer, ce qui aurait pu être une punition pour eux. Et donc, Ulysse et Diomède se présentent devant Dante. Dante pose une question. Qui êtes-vous? Pourquoi êtes-vous là? C'est un peu un leitmotiv dans l'enfer. Il demande chaque fois aux personnages qui ils sont. Et c'est Ulysse qui répond. Et il lui raconte son histoire. Et une histoire entièrement inventée par Dante. Puisque il le prend au moment où Ulysse est déjà retourné à Ithaque, a retrouvé Pénélope, son fils, etc. Et on apprend qu'il est parti, alors qu'il était enfin arrivé au port et qu'il avait retrouvé son point d'attache et ce qu'il espérait depuis 20 ans. Il est reparti et il dit « Et ni l'amour que j'avais pour mon épouse, ni celui que j'avais pour mon père, ni pour mon enfant, ne m'ont retenu. Il a dû partir avec des compagnons de voyage et il a pris la mer. » C'est non seulement un rusé, mais c'est un curieux, Ulysse. Il faut qu'il aille toujours au-delà de ses limites et qu'il découvre sans cesse de nouvelles choses. Donc, Dante nous raconte par la voix même d'Ulysse, qu'il a entrepris ce voyage. Ils sont parvenus jusqu'aux colonnes d'Hercule, donc jusqu'au détroit de Gibraltar. Et là, il y a eu un naufrage. Il y a eu d'abord une tempête épouvantable et le bateau a fait naufrage. Et donc Ulysse est donc mort à ce moment-là. Donc Dante invente la mort d'Ulysse. Oui, tout à fait, tout à fait. Alors là, quel serait le péché d'Ulysse? C'est cette insatiabilité? C'est d'avoir déjoué d'autres plans? Non, parce que la curiosité, ce n'est pas une faute. C'est quand même un sentiment de démesure, le fait de vouloir toujours aller plus loin qu'il ne lui est donné. Mais c'est surtout parce qu'il est rusé qu'il est en enfer. C'est surtout à cause des fautes accomplies avant ce départ. Pourtant, il l'a fait bien souvent pour survivre. Oui, bien sûr. Dans le système de valeurs que Dante décrit aussi à travers ce voyage, quelles sont les fautes qui apparaissent comme étant pardonnables, ou en tout cas légères, et celles qui sont très durement jugées peut-être par Dante et par Virgile? Alors, les plus pardonnables, je dirais, c'est la luxure. La luxure ou, disons, la faiblesse devant les instincts. Puisque là, il reconnaît que l'être humain fatalement tombe un jour ou l'autre dans ce défaut-là parce qu'il n'a pas suffisamment de volonté, il n'exerce pas son libre arbitre avec assez de force pour résister. Ce qui, pour lui, est vraiment le plus grave, c'est la trahison, c'est le mensonge, c'est également ce qu'il appelle la tchédia, c'est l'assédie ou, disons, la paresse intellectuelle. C'est le contraire d'Ulysse, d'ailleurs. C'est le fait de ne pas vouloir comprendre, découvrir, mais rester dans une sorte de léthargie intellectuelle ou morale, de lenteur à agir. Ça, c'est pour lui quelque chose de très grave. L'envie aussi. L'envie. Les envieux sont, pour lui, des personnes exécrables. C'est un lieu où la lumière ne peut pas pénétrer. Alessandro Benucci. Où il y a quatre fleuves infernaux qui servent à la fois de lisière ou de passage d'une zone à l'autre de l'enfer et aussi de peine. Parce que notamment dans le flégeton, fleuve virgilien aussi, c'est un fleuve rempli de sang où se trouvent les homicides qui plongent à l'intérieur. Donc c'est un endroit où l'orographie et l'hydrographie est très importante. Et l'absence de lumière sera quelque part contrebalancée par la présence du feu. Le feu qui était aussi dans l'esprit chrétien des origines, notamment la géhenne, selon la Bible, qui était la punition la principale de tout l'enfer, sera aussi déclinée sous différentes formes dans l'enfer de Dante. Et c'est aussi la source lumineuse la plus importante, ce qui permettra à Dante de voir tout au long de la descente infernale. Il y aura des tours enflammées, il y aura des flammes qui enveloppent des âmes, notamment celle d'Ulysse. Il y aura aussi des petites flammes sous les pieds des papes simoniaques, parce que Dante ne se privera pas de condamner des papes. Chant 19, 8e cercle, 3e bolge. Les simoniaques, les papes. De chaque pêcheur, on voyait dépasser les pieds de l'ouverture et jusqu'au gras les deux jambes, le reste étant enfoncé. Leurs plantes, à tous, flambaient à la fois et les jointures s'agitaient violemment, à en briser torsade et entrelacs. Dante condamne des papes pour simonie. La simonie est un péché médiéval très répandu, dirait Dante, dans l'Église, à savoir la vente de biens de l'Église en échangeant avec de l'or ou avec de l'argent. Et lorsqu'il rencontre la partie où se trouvent les papes simoniaques, il y a des papes qui se retrouvent cloués sans dessus-dessous dans des puits enflammés et sous le pied, il y aura des flammes qui brûlent les plantes des pieds. Et lorsqu'il rencontre un pape à qui il posera la question « Qui tu es ? Pourquoi tu es là ?», ce pape, par un jeu de mots, demandera si Boniface, le terrible pape Boniface VIII, était déjà arrivé parce qu'il l'attendait pas si tôt. Et par ce même moyen, il se sert du feu pour punir le pape Boniface VIII, qui était à l'origine de son bannissement de Florence, alors qu'en 1300, il n'était pas encore mort. Il mourra que en 1303. Donc, l'orographie et la structure de l'enfer sert aussi une cause, toujours la même, hein, celle de régler ses comptes aussi avec l'histoire récente. C'est ça qui est intéressant dans la Divine Comédie, qui explique en même temps l'espèce de succès qui ne s'est jamais démenti, les lectures multiples qui ont été faites de l'œuvre. C'est qu'il y a en fait au moins toujours deux lectures possibles de la Divine Comédie. Elisabeth Crouzet-Pavant. À la fois cette méditation sur le destin de l'homme avec l'attente eschatologique en quelque sorte, et puis en même temps dans le texte et surtout dans l'enfer s'infiltrent sans cesse des considérations politiques, ce qui fait qu'il y a deux types de lecteurs. Je pense que les lecteurs pour le futur, il en est parfaitement conscient, et puis les lecteurs ultra contemporains qui étaient sans doute beaucoup plus à même que les lecteurs du futur, les lecteurs d'aujourd'hui, de comprendre la plupart des allusions politiques qui sont parfois très sibyllines, qui sont présentes dans le texte. Et puis, je crois que l'enfer est sans doute, dans l'œuvre, la partie la plus ouvertement politique. Parce que c'est le moment où il tente, alors selon un processus qui existait dans la vie politique florentine, de résolution des conflits, il tente d'être réintégré. C'est-à-dire, il tente d'être pardonné, en quelque sorte, par les Guelfes Noirs, par le parti des Donati, qui donc a le pouvoir. Et par là même, il multiplie les gages de bonne volonté, et donc fait apparaître, dans les différents siècles de l'enfer, aussi bien des gibelins, bien sûr, mais une série de guelfes qui sont plutôt donc des guelfes blancs. Et donc, il faut bien voir que toute l'écriture de l'enfer est orientée par cette tentative quand même de réhabilitation politique, en fait, de promotion politique de Dante. Disons que tout de même, guelfes et gibelins, au moment de la rédaction de l'enfer, les guelfes et les gibelins, je ne dis pas n'appartiennent pas au passé, mais tout de même, la rivalité guelfes-gibelins est un peu, au moins à Florence, tempérée à ce moment-là. La grande opposition donc guelfes-gibelins, au milieu du XIIIe siècle, oppose, pour faire simple, les partisans de l'Église, de la papauté, qui seraient donc les guelfes, et plutôt les partisans de l'empereur qui est roi d'Italie, qui seraient les gibelins. Et bien entendu, il faut aussi voir que beaucoup d'autres considérations rentrent en ligne de compte et que par exemple à l'échelle de la Toscane, puisque Florence est souvent plutôt guelfe, les ennemis proches de Florence sont plutôt gibelines. Ça explique pourquoi Arezzo est plutôt gibeline, Sienne est plutôt gibeline, parce que Florence est plutôt guelfe. La carte politique se redistribue aussi en fonction évidemment de ces différentes puissances. Puis, à l'extrême fin du XIIIe siècle, en Toscane, à Florence, mais pas seulement, dans d'autres villes comme Pistoia, le parti guelfe, la faction guelfe, va exploser en deux factions qui vont désormais s'opposer avec la même violence que s'opposaient avant les guelfes et les gibelins, entre guelfes blancs et guelfes noirs. Les guelfes blancs étant donc tenus par une famille qui est la famille des Cerchi, qui est une famille plutôt très riche, mais d'extraction plus récente. Donc ce sont des parvenus, en quelque sorte, immensément riches, mais des nouveaux venus sur la scène sociale. et les guelfes noirs ont pour chef de file Corso Donati, donc qui appartient à la famille des Donati, qui est une famille là de l'aristocratie très ancienne, mais qui est en perte un peu de vitesse économique. Et donc, désormais, vous voyez, la noblesse florentine se divise entre guelfes blancs et guelfes noirs, et donc, nouvelle faille, en quelque sorte, nouveaux ennemis, nouveaux amis qui structurent les relations sociales. Et pourquoi Dante va être d'un côté ou de l'autre, ou en tout cas à l'origine ? Alors, c'est assez, je dirais, un peu paradoxal, parce que Dante ne cesse de critiquer justement la Florence de l'argent, la Florence des immigrés récents. Il regrette le temps ancien de la décence, des anciennes mœurs, etc. La Florence de l'ancienne, de la Certia Antica, du centre de la ville. Mais en même temps, donc, il se rapproche des guelfes blancs, il va faire carrière, cette brève carrière politique, au moment où les guelfes blancs sont au pouvoir. Boniface VIII, parmi tous les ennemis de Dante, est sans doute l'ennemi pour lequel il voue la détestation la plus grande. Il accuse Boniface VIII, parmi bien d'autres maux, d'avoir justement favorisé les Noirs et le retour des Noirs à Florence, d'être un des responsables en quelque sorte de son malheur de l'exil. Et c'est la raison pour laquelle Boniface VIII est vraiment ainsi appelé à rejoindre l'enfer, avec en plus une série de vers qui sont d'une dureté extrême, puisqu'il est accusé du péché de simonie avec une véhémence extraordinaire. Ce sont des vers d'une dureté très forte, mais c'est vraiment un des ennemis de Dante. Chant 33, 9e cercle. Où sont les traîtres envers leur patrie et envers leur hôte ? Récit du Golin. De l'odieux repas, ce pêcheur détacha sa bouche qu'aux cheveux de la tête, attaqué par derrière, il essuya. Puis commença. Tu veux que je répète l'indicible douleur qui, à y penser, me serre le cœur avant que je m'y mette. Mais si mes paroles doivent expliquer du traître que je ronge l'acte infamant, tu me verras et parler et pleurer. Il y a une autre rencontre lors de ce voyage en enfer, à travers les cercles de l'enfer, c'est celui du comte Ugolino. Oui, alors c'est un personnage très haut en couleur aussi. Lui est en enfer parce qu'il a trahi également. Mais il a trahi politiquement, il a trahi sa patrie et il a été pris en défaut et arrêté par un archevêque, l'archevêque Ruggiero, et condamné. Donc on l'a mis dans une prison extrêmement dure, qui est la tour de la Mue, avec ses enfants et petits-enfants, et on l'a laissé mourir de faim. Et lorsque Dante le rencontre, il est en train de ronger le cerveau de l'archevêque Ruggiero, qu'il a fait mettre à mort. Et il raconte son histoire tragique, la mort de ses enfants, un par un, puis la sienne. Et là, d'une certaine façon, la peine semble être disproportionnée par rapport au péché. Oui, si ce n'est que c'était un grand personnage, Ugolino della Gherardesca, qui a vécu entre 1220 et 1289. Dante est né en 1265, donc Ugolino était vivant encore dans la jeunesse de Dante. C'était un seigneur de Pise, de famille gibeline. Alors, il a fait des calculs politiques, il s'est allié à un guelfe, donc déjà première trahison, et il a été banni de la ville. Mais il est revenu quelques années plus tard, il a encore essayé de manœuvrer pour s'attirer les bonnes grâces de certains guelfes en leur cédant des châteaux, peut-être aussi pour préserver Pise, dont il était le seigneur et qu'il voulait sauvegarder pour qu'elle ne soit pas mise à sac. Mais tout cela a fait que l'archevêque Ruggeri, qui était gibelin comme lui, a pris le pouvoir et Alors, lui aussi a trahi. Il a pris le pouvoir en feignant de s'allier avec Ugolino. Donc, dans un premier temps, Ruggeri a réussi à faire condamner Ugolino. Et dans un second temps, Ugolino se venge en lui dévorant la cervelle. L'idée de l'enfer, telle que Dante le présente dans son poème, doit beaucoup à l'esprit créateur de Dante. Au-delà de l'inspiration de la source fiable qui est l'Énéide, le sixième chant de l'Énéide, Dante renouvelle en profondeur l'imaginaire chrétien sur l'enfer. L'enfer de Dante est un lieu où il y a beaucoup de monde. C'est un lieu où il y a la cacophonie, et ça est issu d'une notion qui est chère à Dante, celle de la tour de Babel, de la chute de la tour de Babel qui a provoqué les tohu-bohu au niveau des langues. Donc ne serait-ce que cela, la cacophonie, le fait que les gens parlent avec Dante la même langue, mais quand on s'éloigne, ils parlent d'autres langues, des langues immondes, est très présent. Si bien qu'il y aura un passage dans le 9e chant de l'enfer où les géants du monde ancien n'arrivent plus à communiquer parce qu'ils ont perdu la capacité d'articuler. Donc la cacophonie, c'est la première notion, et d'ailleurs c'est la première sensation que Dante ressent dès lors qu'il franchit la porte de l'enfer, les horribles et les favelles, il entend des langues très différentes. Après, il y a aussi une notion de lieu, justement, c'est un gouffre infernal creusé par la chute de Lucifer, donc c'est une cosmogonie très précise que Virgile expliquera à Dante au moment de sortir de l'enfer pour grimper, aller jusqu'au purgatoire. Il faut quand même se dire que l'enfer, c'est amusant à lire. Chant 34, 9e cercle. Lucifer est sorti de l'enfer. Oh, comme immense fut pour moi l'horreur quand je lui vis trois faces sur la tête, l'une devant, rouge, était sa couleur. Quant aux autres, accrochés à cette tête, partant de chaque épaule à la moitié pour se rejoindre à l'endroit de la crête. La droite, entre blanche et jaune, semblait. La gauche, à voir, était telle que celle des gens natifs d'où le Nil fait vallée. Dessous chacune sortaient deux grandes ailes, proportionnées à un oiseau si grand, voile en mer, je n'en ai vu de telles. Sans plumes, à des chauves-souris, faisant plutôt penser, et il les agitait si fort qu'il en faisait naître trois vents. Quand il arrive au centre de la terre, il rencontre Satan, donc Lucifer. Lucifer qui est cloué au sol, à moitié dans l'hémisphère boréal, ou quand même dans la partie nord de la Terre, et une moitié, on va dire, qui creuse, enfin les pieds, vers l'hémisphère austral. Et c'est ça, par là, le passage pour pouvoir aller au purgatoire. Le purgatoire étant, on va dire aujourd'hui, au pôle sud. Eh bien, quand il arrive, il commence à descendre en descendant par les poils de Lucifer, parce que Lucifer est un monstre, un diable avec des poils, et selon la cosmogonie telle que Virgile raconte, suite à la chute de Lucifer, ce gouffre s'est creusé sous nos pieds, en fait, en dessous de l'hémisphère boréal. Et ce gouffre recueille tout le mal du monde, depuis la chute d'Adam et Ève, les deux premiers hommes. Donc Lucifer est vraiment au centre comme un ver dans un fruit. Il est gigantesque et Dante, avec l'aide de Virgile, s'accroche après ses poils. À un moment donné, se retourne, puisqu'on est au centre de la Terre. Et donc, la gravité joue dans l'autre sens. Donc, il se retourne. Il continue à monter par un étroit boyau et il sort sur la plage du purgatoire. Et après un très long chemin encore, toujours dans des éboulis, des grottes, lieux assez pénibles. Ils accèdent par une percée ronde, dit-il, à la plage du purgatoire, c'est-à-dire les étoiles de nouveau sont visibles. Et là, la lumière revient. Merci à Elisabeth Crouzet-Pavant, Daniel Robert, Alessandro Benucci et Jean-Charles Véliante. Lecture, Serge Maggiani. Mixage, Valérie Lavalard. Dans l'enfer de Dante, un documentaire d'Anaïs Quien, réalisé par Marie-Laure Ciboulet. Voilà donc pour ce documentaire qui concluait notre série d'émissions consacrée à l'histoire des enfers. Vous pouvez bien entendu le réécouter sur le site de France Culture, discuter avec nous sur le groupe Facebook des Amis de la Fabrique de l'Histoire ou encore nous suivre sur le réseau Twitter à l'adresse Twitter Fabrique FC, Fabrique FC. Demain dans la Fabrique, nous sommes le premier vendredi du mois et donc une table ronde fiction dans la Fabrique de l'Histoire.